Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 1, colonne 1. Revue étrangère. Un incendie a eu lieu lundi dernier à Volvitch et a occasionné une explosion de fusées de guerre assez désagréable pour les habitants du voisinage. Les fusées partaient dans toutes les directions, causant beaucoup de dommages en ville et à la campagne. Il n'a été possible d'éteindre le feu que quand la provision de fusées a été épuisée et qu'elles ont cessé d'éclater. Le prince de Galles et les ducs de Connaught, Édimbourg et Cambridge retourneront en Angleterre après avoir assisté aux manœuvres d'une division de l'armée allemande à Hambourg. Il n'a pas été trouvé expédient de les laisser prendre part à l'inauguration de la statue Germinia sur le Rhin. Ce sera une grande fête nationale pour l'Allemagne où tous les princes et souverains du pays seront présents, à l'exception du roi de Wurtemberg qui se trouve malade et du prince de Bismarck que les médecins retiennent dans sa chambre. En prenant congé du 4e corps d'armée, à la fin de la revue et des manœuvres, l'empereur Guillaume a dit « Je remercie les commandants, les officiers et les soldats pour le calme et la persévérance qu'ils ont montré dans toutes les parties des manœuvres. C'est un bonheur et un honneur pour moi de voir, encore cette fois-ci, le 4e corps d'armée. » Probablement que ce sera la dernière fois que je vous vois. À mon âge, on ne fait plus de projets. » Le général de Manteuffel, après une entrevue avec le prince de Bismarck, a lancé un décret exigeant l'usage de la langue allemande pour toutes les affaires dans la ville de Metz, ainsi qu'à Thionville et autres localités qui, jusqu'à présent, faisaient exception. Cette nouvelle a causé une profonde sensation en Alsace. Des soldats allemands et un officier de Uhlans ont été tués sur une route non loin de Strasbourg. Les négociations du Vatican avec les puissances prennent une tournure favorable à la cause catholique. Le Saint-Père a autorisé les évêques qui avaient été expulsés de la Prusse à ouvrir des négociations avec le gouvernement de l'Allemagne pour la rentrée sur leurs sièges épiscopaux. Le Moniteur dit que les négociations entre le Vatican et la France sont arrivées à une conclusion satisfaisante. Le gouvernement français a rétabli le traitement du clergé catholique et donné l'assurance formelle de ses intentions les plus amicales envers le Saint-Siège. De ce qui a pu transpirer jusqu'à présent de la Triple Alliance, il paraît que les arrangements pris entre l'Autriche et l'Allemagne constitue une neutralité armée dans le cas où la première se mettrait à guerroyer avec la Russie ou la seconde avec la France. L'adhésion des petites souverainetés satellites de la Serbie, de la Roumanie et de la Bulgarie favorise les projets des deux grandes puissances allemandes en établissant une zone de territoire qui s'étend des frontières de la Transylvanie à l'embouchure du Danube. L'Autriche se trouve ainsi protégée comme un mouvement en flanc de la part de la Russie. On cherche encore à fortifier la position en faisant prendre part le sultan à la Ligue. Les Magyars jouent actuellement un jeu désespéré en tentant d'amener le pouvoir en Hongrie sur la complète dépendance de leur nationalité. La Hongrie compte pour le moins 16 millions d'habitants, dont 6 millions de Magyars. Le reste appartient aux races allemandes, slaves et muires. Mais, malgré leur grande minorité, les Magyars sont déterminés de forcer leurs concitoyens non seulement de leur abandonner la suprématie politique, mais de leur faire accepter la langue hongroise comme la seule langue officielle du pays. Cette prétention excite beaucoup de ressentiment parmi les races subordonnées. Le principal argument des Magyars est qu'ils doivent faire des Hongrois de tous les habitants du pays, sinon les autres, en plus grand nombre, finiront par les submerger. C'est, disent-ils, une lutte pour l'existence nationale. Ceci peut être parfaitement vrai, mais si l'existence des Magyars exige que le pouvoir soit abandonné entre les mains d'une minorité aristocratique, le plus tôt que la race hongroise et sa langue seront obligées d'élire domicile dans le domaine du passé, et mieux ce sera. La question franco-chinoise vient d'entrer dans la phase des négociations sans fin. M. Chalmel Lacour a remis ses pouvoirs à M. Ferry pour autant qu'il s'agit des affaires de la Chine, et ce dernier s'est adjoint M. Waddington, dont l'expérience dans les contestations de la diplomatie est hautement appréciée. La France propose d'admettre la suzeraineté de la Chine à condition qu'il lui soit permis d'occuper le Tonkin. Pour le moment, les affaires de la Rivière Rouge sont quelque peu compliquées. Les autorités civiles et militaires sont en querelle. Le général Bouet est remplacé et retourne en France porteur de messages. Les pavillons noirs entourent les positions françaises en grand nombre. Chassés de leur retranchement aujourd'hui, ils y reviennent quelques jours plus tard. Les communications sur la rivière sont complètement interrompues. Les négociations peuvent être prolongées indéfiniment par les Chinois dans la situation présente. Ils ont tout à gagner en ayant recours aux délais qui ne peuvent faire que du tort à la cause de la France. La médiation de Lord Granville a été demandée par M. Ferry. Il est généralement admis que le cabinet français devra régler la question du Tonkin avant la convocation des chambres, sans quoi celles-ci régleront celle du cabinet. La réponse du gouvernement chinois est attendue de jour en jour. Les communications du marquis de Tseng ont été retardées par des interruptions de fils télégraphiques. Le point le plus difficile est la délimitation de la zone neutre au Tonkin. Les propositions des deux côtés sont de nature différente et Lord Granville penche visiblement du côté de la Chine. C'est pourquoi, et dans le cadre du règlement de la question par un arbitrage, M. Ferry veut tenter d'avoir recours à la médiation de la Russie. Le ministère des Affaires étrangères de Londres a télégraphié au consul anglais de Canton, Shanghai et autres ports de mer pour avoir des informations sur l'attitude des Chinois envers les résidents européens. La réponse a été suffisamment rassurante, quoique des ordres aient été donnés par l'amirauté aux canonnières anglaises de croiser dans les eaux de Shanghai. Tout ce remue-ménage du Tonkin n'obtiendra de substance que quand les renforts envoyés par la France seront arrivés sur place. L'intervention des diplomates anglais et russes n'aura jamais d'autre résultat que de traîner les choses en longueur, tout en permettant à la duplicité diplomatique orientale de jouer sa partie avec tous les avantages possibles. Une bonne chasse faite au pavillon noir par 10 000 Français feront avancer la solution d'une manière plus satisfaisante que les échanges de dépêches d'une nature inconciliable.